cours numéro 28. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Antahayna fi darsina al-akhir, dans notre dernier cours, on a fini, wa lillahi alhamd, un chapitre très important sur Al-Qur'an Kalamullah. Azza wa jal. Waliyum, on continue la partie qu'on n'avait pas pu terminer dans le dars précédent. Qawluhu rahimahullah. Wa qad dakhala aydan fi ma dhakarnah min al-iman billah. Wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamati ayanan bi absarihim kama yarawna ash-shamsa sahwan laysa biha sahab. كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذه المسألة تقدمت معنا، أي رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة وفي الجنة، أي les croyants, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في عرصات القيامة أي في أرض الموقف le jour du jugement ثم يرونه بعد دخول الجنة أي كذلك في الجنة au paradis les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça on l'a détaillé précédemment ولله الحمد. والشيخ سعدي كما قلنا أمس il n'a pas expliqué ce passage هنا ولعله اكتفى بما تقدم فالحمد لله. بقي قوله une précision فقط عيانا أي قال بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم et c'est ça عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى avec leurs yeux. Contrairement à Dunya, personne n'a vu et personne ne verra et personne ne peut voir الله سبحانه وتعالى في الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتحمل هذه الرؤية. L'être humain, il n'est pas capable, il n'a pas la capacité de pouvoir voir الله سبحانه وتعالى avec ses yeux ici-bas. أما dans l'au-delà, فتعلمون أن c'est une autre demeure. Avec des autres ahkam, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera al-qudra, la capacité aux croyants pour le voir. Ja'a fi hadith, dans un hadith, dhukira hadha al-lafz, ay ayanan, ayanan c'est avec leurs yeux. Amma dans tous les hadiths, il n'y a pas hadha al-lafz. Mathalan, fi الصحيحين عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال ils étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام مرة ils étaient assis معه et c'était la nuit du 14 et la nuit du 14 كما لا يخفى أن quand il n'y a pas de nuage c'est une nuit de pleine lune le 13, le 14, le 15 فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر il a regardé en direction de la lune فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته أي vous verrez الله سبحانه وتعالى comme vous voyez cette lune لا تضامون أي ça vient de الانضمام Personne ne gênera l'autre, personne ne bousculera l'autre. قال فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس إلى آخره الحديث. تقدم معنا. Donc la plupart des hadith, il n'y a pas هذا اللفظ عيانا, avec les yeux, il n'y a pas cette précision. Cette précision, جاءت في رواية ذكرها الإمام البخاري في الصحيح. Cette précision, عيانا, إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Il y a la précision, سترون ربكم عيانا اي avec vos yeux. وبعض العلماء ils ont démontré ان cet ajout il est faible. لماذا؟ لان dans la chaîne de transmission il y a un rapporteur qui s'appelle Abu Shihab et il a خالف كما بين الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح أكثر من 60 نفسا من 60 نفسا إلى contredit 60 rapporteurs soit 60 rapporteurs qui ont tous rapporté ce hadith sans cet ajout عيانا أي avec les yeux. الخلاصة donc c'est que بعض العلماء قالوا أن هذه اللفظة للشاذة أي cet ajout cette narration dans Sahih al-Bukhari cet ajout عيانا ils ont dit c'est shad et c'est ce mot il est pas thabit dans al-hadith il est daif cet ajout لكن كما تقدم معنا اجماع اهل السنه والجماعه ان les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Donc on a précisé hada hatta tu ne mélanges pas akhi al-karim. Donc هذه اللفظ عيانا بعض العلماء ils l'ont ضعف ils ont dit les shadh. لكن le sens il est authentique selon l'unanimité. Donc ثبتت أم لا ça change rien à l'unanimité. لكن ça montre إنصاف أهل الحديث par rapport aux قواعد du hadith les règles ils ont appliqué les règles et ils ont vu que ce rapporteur il a خالف les autres qui n'ont pas cité ce mot عيانا والله تعالى أعلم. فبهذا انتهينا ولله الحمد de la plus grande partie de ce livre, tout ce qui est lié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux attributs. Thumma, à partir de ce passage, et c'est la fin du livre, Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, il a cité des usul azima, des fondements de la croyance du musulman, tout ce qui est lié à la mort et tout ce qui se passera après la mort, كذلك ما يتعلق بالإيمان, la foi, كذلك le destin, كذلك ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم et jusqu'à la fin du livre. Donc on a fait ولله الحمد ensemble la plus grande partie du livre. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد pour ce qu'il reste. قال المصنف رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر c'est la croyance au jour dernier et ça fait partie de l'Iman كما في حديث عمر رضي الله عنه et من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا ضابط طيب كما قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر وفي القيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل. شيخ الإسلام رحمه الله وفق إلى سيتي هذا الضابط. Et cette phrase, elle englobe tout ce qui se passera après la mort, donc le jour dernier. Tastafid min hadha, le jour dernier, ça commence après la mort. Li hadha yaqulu ahlul ilm man mata qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, le jour dernier, il a commencé pour lui. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah, on répète, wa hadha dhabitun yadkhul أو جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار الاحتضار أي لامور quand الإنسان يحتضر il agonise ثم son âme elle sort. On a beaucoup de textes qui nous montrent cette étape. En tant que croyant on doit accepter toutes ces informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a transmises à la ummah. وفي القبر dans la tombe. قال والقيامة le jour du jugement والجنة والنار ثم les deux demeures de l'éternité le paradis et l'enfer. ولله الحمد on a traité toutes ces étapes dans une série de cours مع بعض إخواننا et ces cours ont été propagées. Et on a détaillé du départ, de la première étape, la mort, jusqu'à la dernière étape, l'enfer ou le paradis. فلهذا dans ces دروس في هذه العقيدة المباركة, on détaillera pas toutes les étapes. Lakin, ce qui nous intéresse, c'est Kalam al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec l'explication de Cheikh Saadi. Et là, ce qu'on cite certaines masail. Wa illa, celui qui veut les détails, fa kama qala Cheikh Saadi rahimahullah, بعد ذلك قال ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة. أئمة ils ont écrit des livres في هذا. مطولات et مختصرات. مطولة c'est des livres assez vastes. Et المختصرة c'est des livres résumés. ومن أحسنها من أحسن هذه الكتب. Parmi les imams qui a le mieux traité ce sujet en détail, c'est Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dans son livre Kitabu At-Tadhkira fi Ahwal Al-Mawta wa Umur Al-Akhirah. Il a détaillé ces étapes de la mort jusqu'à la fin des temps et après toutes les étapes de l'au-delà, la tombe, la résurrection, les comptes, الميزان لا بالانس لو صراط لانفير اي لو بارادي. فالذي يريد التوسع اي celui qui veut acheter un livre de référence في هذا فالسو ليفر il est cet ouvrage il est très très bénéfique. Il a été imprimé en 3 volumes ولله الحمد. قال وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر ثم أشار المصنف إلى شيء منها فقال. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, au départ, il a cité Hada al-Dhabit. Il a cité, c'est quoi l'iman bil-yawm al-akhir? C'est tout ce qui vient après la mort. Thumma, rahimahullah, il a cité la première étape. Ay, fitnatul qabr. Les questions dans la tombe. قبل ذلك, ننظر شيخ ابن عثيمين هل ذكر فإذا نعم قال رحمه الله قوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت قال كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر وذلك لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر ولهذا يقال من مات قامت قيامته فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. Ça nous montre أن après la mort, le jour dernier commence pour chacun de nous. قال رحمه الله وذلك ل... أو بعد ذلك إذا ما أقرب اليوم الآخر لنا ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. Et ça c'est un rappel très très important. اليوم الآخر il est très très proche pour chacun de nous. لماذا؟ لأن لا أحد يدري متى سيموت. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. On peut mourir très très rapidement, un instant. Et celui qui meurt, قامت قيامته. Sa قيامة commence. Et son jour dernier. Et il bascule dans une autre demeure. Et il est directement interrogé quand il est placé dans sa tombe. Directement, les questions, elles commencent. Directement, imma la récompense, al-na'im, les délices de la tombe, imma le châtiment. Yadam billah. Donc ça nous montre que l'insan, il doit se préparer. Là, il y en a encore, c'est encore loin. Mais là, ça va très très vite. Qala. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. فكر أيها الإنسان تجد أنك على خطر لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا. C'est pour ça qu'on doit toujours se préparer. والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. L'essentiel c'est sur quoi on va mourir. Donc on doit sans cesse faire des efforts. لأن tu as deux choses. أولا l'essentiel c'est les dernières œuvres. Donc, On doit faire des efforts constamment et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite et qu'il nous accorde une bonne fin. Et thaniyan, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc ça doit encore nous pousser à faire des efforts. Comme minan nas, ils sont morts fi rifla, ayyadan billah. Pardon, ils sont morts dans des grands péchés. Kathirun minan nas, ils meurent fi le kufr. Ils meurent fi le kufr. Kathirun minan nas, ils meurent jeunes. Certaines personnes, elles meurent, elles n'étaient pas malades. Sans accident, sans rien. Hakada, du à l'instant à l'autre, et cette personne, elle meurt. Falihada, en tant que mu'min, on croit en hadha yawm, au jour dernier. Et on sait que ça commence après la mort. Et on sait qu'on goûtera tous à la mort. Personne ne va échapper à ces étapes. Wala ahad. Hada, on est tous d'accord. Al-uqala min bani Adam, ils sont tous d'accord à la hadha, le mu'min ou le kafir. Personne ne nie la mort, ne rejette la mort. Là, l'inhiraf, il est dans les croyances après la mort. Il pense qu'après la mort, il n'y a plus rien. Amma al-mu'min, il a cette aqida azima. Après la mort, ça commence. C'est pour ça que c'est une erreur de penser ou de dire, pardon, il le prononce, sans faire attention que, alhamdulillah, c'est fini pour lui. Il a fait le plus dur. Ça, c'est un kalam batil. Ça, c'est quand même le kufr. On n'a pas le droit de prononcer ce genre de parole. Belle, on a cette aqida. Et ces étapes que l'imam Noutaymi, rahimahullah, il a cité on a birté ça en résumé dans cette aqida, elle le prouve. Après la mort, c'est que le début. L'imam d'aller après la mort, l'insan, il goûtera plus jamais à la mort. À la mort, c'est une fois. Et la mort, c'est un nouveau départ. La mort, c'est la fin de la première demeure. La première demeure, c'est de la naissance à la mort. Ad-dunya, aïe le monde d'ici-bas. Enfin, certains vivent 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Kul wahid, Allah, il lui qadr une durée de vie. Ça, c'est la première étape. Ad-dunya. Thumma, la mort, ça met fin à cette première demeure. Thumma, la deuxième étape, al-barzakh. Al-barzakh, c'est une étape entre deux demeures. Entre dunya et la résurrection. Tu as une étape. Tous les morts en ce moment, ils sont dans cette demeure, al-barzakh, et la tombe. Enfin, à partir de ce moment, quand l'insan est dans la tombe, il goûtera plus jamais à la mort. La première mort, elle est finie. Thumma, c'est l'éternité. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Al-Aqira, ça fait que commencer. Et dans cette demeure, il y a beaucoup de choses qui se passent. On doit les connaître en tant que mu'min. L'imam al-Aliyana, le croyant, al-mu'min, c'est celui qui croit en quoi? Qui croit en l'invisible. Le mu'min, il croit en Allah Azzawajal, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin. C'est ça la foi du mu'min, les 6 fondements, les 6 piliers. Et parmi ces piliers, la foi au jour dernier. C'est quoi le jour dernier? Tout ce qui vient après la mort. En tant que mu'min, tu dois savoir. Il y en a celui qui ne connaît pas ses étapes, comment il va se préparer? Celui qui ignore ses étapes, peut-être que il va faire certaines choses qui lui feront du mal plus tard. On se prépare pour certaines étapes. Maintenant, si il veut voyager, il se prépare. Voilà, Bouddh. Surtout si c'est un voyage assez long, si c'est un voyage lointain, il se prépare. Il doit prendre un billet, il doit faire des provisions, il doit connaître la route. Peut-être qu'il a besoin d'un compagnon de route. Il doit kadalik connaître la distance, il doit connaître le pays où qu'il va. Thomas, il doit préparer kadalik son retour. Mouhim, il y a une certaine organisation. Voilà, Bouddh. فتزودوا هكذا قال عز وجل فتزودوا اي prenez des provisions et pour l'akhirah c'est avant un voyage ici-bas même si on ne se prépare pas واحد قدر il prend un billet et se prépare pas au pire si t'arrive quelque chose un problème mouhim tu reviens dans ton pays et alhamdoulillah il y a rien de grave ou tu te débrouilleras sur place c'est pas un problème lakin al-akhirah après la mort, c'est l'éternité. Imma, le châtiment, imma, la récompense. C'est pour ça qu'on doit faire attention. On répète, Fakir ayyuhal insan, tajid annaka ala khatar. Si tu réfléchis, ayyuhal insan, ça englobe tous les êtres humains. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'a pas dit ayyuhal muslim, ayyuhal mu'min, il a dit ayyuhal insan. Tout le monde est concerné. Tous les êtres humains sont concernés. Tajid annaka ala khatar. Tu te rendras compte très très vite que tu es en danger. Limada li anna, t'as aucune garantie. Limada, t'as aucune certitude. Certitude au niveau de est-ce que tu vas réussir, amla. Léana, ce qu'on vit, c'est un test. La première étape, de la naissance jusqu'à la mort, c'est un test. Thoma, après la mort, c'est le résultat de ce test. Le premier résultat, ça commence dans la tombe. Thoma, une autre étape. Tu verras encore le résultat, le jour du jugement, avec les comptes. Thoma, la dernière étape, la demeure éternelle. Imma janna, imma nar. Et pour certains croyants, bien sûr, qui rentreront fin nar, ils sortiront bi fadlillahi azza wa jal wa bi shafa'ati shafi'in, comme on détaillera inshallah ta'ala. Fa ala kulli hal, al-amr il est khatir jiddan. Et on est tous concernés. Wa lil asaf, wa'dul nas, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, ya'ishoun, ils vivent comme si ils n'allaient pas mourir. Alors qu'ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Tu demandes à n'importe quel humain, est-ce que tu vas mourir? Il va te dire, non. Lakin, tellement que certains, ils sont pas prêts. Et tellement que certains, ils ferment les yeux, au lieu de les ouvrir pour préparer cette étape, pardon, ils ferment les yeux. C'est pour ça que la chose que beaucoup de gens, ils détestent le plus, c'est de parler de la mort. Les mains d'aller, la mort, c'est hazim. Hazimul ladzat. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadim, ça vient de l'hadm, quelque chose qui détruit. Al-ladhat, ça vient de, c'est le pluriel de ladha, et le plaisir. Bardanas, ils se font plaisir via des tonia. La mort, elle arrête tous les plaisirs. C'est pour ça que la plupart des gens, ils n'aiment pas parler de la mort. Lakin, c'est pas la solution de fermer les yeux. Cette étape, elle viendra. Autant te préparer. Bel, c'est une obligation de se préparer. Hatta, cette mort, elle arrivera, elle passera. ثم الإنسان يبخفتها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى السرير غسله. Cette étape, on doit دائما s'en rappeler. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas franchir le seuil de ta porte, tu vas sortir de chez toi, et Obama, tu reviendras jamais chez toi. Peut-être que tu seras transporté très très vite à l'hôpital, thumma, on te lave, thumma, au cimetière. Et tu ne reverras plus jamais chez toi, et tes proches ne te verront plus, ça va très très vite. Kaminanas, ils ont enfilé leurs vêtements le matin, ils sont sortis, thumma, c'est une autre personne qui leur enlève leurs vêtements pour les laver. Alors, celui qui se rappelle de cela tous les jours, ça va l'aider jiddan. Hadi dunya al pasra fali hada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kun fi ad-dunya ka annaka gharib aw abir sabil. Sois dans cette dunya comme un voyageur, un homme de passage. C'est une demeure qui reste pas. On répète, on est tous d'accord que cette demeure elle reste pas, qu'on goûtera à la mort. Et al-mu'minun, ils sont tous d'accord. La première étape, même le kuffar, c'est pour ça qu'on a dit, on est tous d'accord. La deuxième étape, et après la mort, les croyants, ils sont tous d'accord que ça restera. Mais les kafirs, ba'dhum, ils disent que ça n'existe pas, ba'dhum, ils disent qu'on ne sera pas ressuscité. Ha'oula, c'est des kuffars, c'est des mécréants, et ils rendront des comptes. Amma, nous, les croyants, on est tous d'accord que l'au-delà, ça restera, c'est éternel. Et là, ça fait partie de la foi. L'iman bil yawm al-akhir. Donc, on doit se préparer. Et on doit se préparer, c'est pas qu'avec la langue, là. On doit se préparer fi'lan en appliquant notre dîn, en apprenant notre aqidah, en obéissant à Allah Azza wa Jal, en s'écartant des péchés. Wa hakadha. Qala rahimahullah, on finit kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il est mufid. Wa hadha amrun yastawjib minna an nantahiz fursat al-umr bit-tawbati ila Allah Azza wa Jal. Si tu as compris hadha al-kalam al-mufid, ça doit te pousser à te repentir. Léana, dans cette dunya, on a fait des fautes, on en fera, on a des faiblesses. Lakin, cette croyance, elle doit nous pousser à nous améliorer jour après jour. Cette croyance, elle doit nous pousser à nous repentir. On a fait des efforts, on se repent. On a eu des manquements, on se corrige. Qala وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله. Et ça, c'est une faïda عظيمة. لماذا؟ كما تقدم معنا dans شرح رياض الصالحين, le chapitre du repentir, أن الله عز وجل يتوب على من تاب. À chaque fois que tu fais tauba, Allah subhanahu wa ta'ala t'efface tous tes péchés. Si tu fais, tu te repens de tous tes péchés. Si tu te repens d'un péché quelconque, Allah il te le pardonne. C'est pour ça que Cheikh Ibn il insiste. Fais toujours tauba, tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. Et dans l'autre riwaya, 100 مرة. Plus de 70 fois, 100 fois, alayhi salatu wassalam. Qala wa warji' na'am, na'am, bi'annahu ta'ibun ila Allah wa raji' wa munib, hatta ya'tih al-ajal wa huwa ala khayr ma yura. Na'am. Fa'idha ja'a malakul mawt, idha ja'a al-ajal, si la fin de la vie de cette personne elle arrive, l'ange de la mort il récupère son âme, il a fait des efforts, il a fait tauba. Il a quitté ce bas monde comme ceux avant lui l'ont quitté, comme ceux après lui le quitteront, lakin il s'est préparé. Donc, hadhihi al-aqida, ici on va l'étudier, surtout en tant que preuve, telle preuve que maintenant le châtiment de la tombe il existe, il a akhiré. Et cette étude, c'est une croyance bien sûr, et on doit mettre en application. C'est pas une simple étude. On connaît les preuves que telle chose se passera, et ça s'arrête là. Là, نؤمن بذلك سدوى شانجي نوتي. هذا كلام جميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيؤمنون بفتنه القبر وبعذابه ونعيمه فاما الفتنه فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك؟ وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب أي المنافق الشاك أي المرتاب celui qui a des doutes أي l'hypocrite فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد المرزبة c'est المطرقة c'est traduit par une massue, une matraque أنه ils le frapperont أي celui qui ne répondra pas من حديد أي cette massue elle est en fer فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَسُعِقَ Donc la première étape. فِتْنَةُ الْقَبْرِ قال الشيخ سعدي رحمه الله وَهَذَا الْإِبْتِلَى وَالْإِمْتِحَانِ قَدْ سَبَقَتْ لِكُلِّ عَبْدِ أي الفتنة c'est السؤال الفتنة c'est l'imtihan c'est l'ibtila et المراد هنا c'est les questions que Munkar et Nakir deux anges ils poseront à chaque mort. Comme il y a dans le hadith Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala an. Donc, on a deux choses. On a Al-Fitna, c'est les questions. Man Rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Man Rabbuk, qui c'est ton Seigneur, wa man nabiyuk, qui est ton prophète, wa ma dinuk, quelle est ta religion. Ces trois questions, chacun d'entre nous, elles lui seront posées dans sa tombe. Certains y répondront, les croyants, et d'autres ils ne répondront pas. Ça, c'est Al-Fitna, Fitnatul Qabr. Fanu'minu biha. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs hadiths qu'on a détaillés, walillahi alhamd, dans la série de cours, les étapes de l'au-delà. Tu as une deuxième chose, c'est Al-Azab ou Al-Na'im. Al-Azab ou Al-Na'im. Et le châtiment ou les délices de la tombe. Donc, Al-Fitna, c'est les questions. Et Al-Azab ou Al-Na'im, c'est par rapport à l'état de cette personne. Elle peut se faire châtier, elle peut être récompensée. قال وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد فأما من كان مؤمنا إيمانا صحيحا ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المؤمن il répondra. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilitera. Ce mu'min qui a fait des efforts fi dunya, qui a cru, qui était sincère, qui était véridique, qui est mort à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il yuthabbitu. Al-thabat, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va aider هذا العبد. Il va guider son cœur. Hatta ce abd, il répondra. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc, ce verset, il montre أن directement après ta mort, la première étape, il y en a cette étape, c'est la première. Quand, comme a dit le hadith al-Bara, quand l'âme, elle monte au ciel au départ, ثم elle redescend et elle rejoint le corps dans la tombe, directement les deux anges, ils font asseoir هذا الإنسان, cet homme ou cette femme. Ça, c'est la première étape. ثم les questions. فتأملوا le verset. قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. الإيمان, c'est cette عقيدة, cette croyance qu'on étudie ensemble. Enfin, ça nous montre هذا, directement cette عقيدة, elle va être utile بإذن الله عز وجل. Elle va être utile à chaque croyant. Ça nous montre que, vu que ce qui va être utile via Adelhan, c'est l'iman. Vous avez remarqué, c'est ni l'argent, c'est ni ta famille, c'est ni ton physique, c'est ni ton origine, c'est ni ton intelligence. Là, c'est l'iman. Celui qui a l'iman, directement, ça lui sera utile. Et Ta'lamoun, on a celui qui réussit cette étape, tout ce qui viendra après, ça sera facile. Et celui qui ne réussit pas cette étape, Iyadam Billah, tout ce qui viendra après, ça sera très difficile. Donc, Al-Aqil, celui qui réfléchit, et celui qui veut le bien pour lui-même et pour les autres, il donne du temps à Hadal Iman. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu man. Allah subhanahu wa ta'ala, il va renforcer qui? Il va guider qui? Le croyant, celui qui a l'Iman. Donc, ça nous montre que la cause, c'est l'Iman. Donc, prends du temps pour cette cause. Ton argent, à ce moment, si on réfléchit, l'insan à ce moment, il sera dans sa tombe. Wa kama jaa fi hadith Anas radiyallahu an, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé an idha mat al-insan, chaque être humain quand il meurt, trois choses le suivent: ses œuvres, ses biens et sa famille. Deux choses y reviennent: sa famille et ses biens. Ce qui reste, c'est ses œuvres. Et les œuvres, c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur l'iman. Celui qui n'a pas d'iman, même s'il a œuvré, ça ne sert à rien. Hal al-yahoud wa al-nasara, les hypocrites. La preuve, c'est que les hypocrites, ils diront ha ha, alors qu'ils ont œuvré. Lakin, ce n'était pas fondé sur l'iman. Ça nous montre, ce qui te restera, c'est ta foi. Fais attention de ne pas délaisser cette foi, de ne pas négliger l'apprentissage de hal al-iman, de ne pas donner du temps pour connaître ta aqida, pour quelque chose qui te laissera au moment où tu auras le plus besoin. Comme il en a, au moment où on parle, ils sont enterrés et dans quelques instants, ils seront interrogés et leurs biens, ils sont passés dans la propriété d'un autre. Et mal leurs femmes, et mal leurs enfants, et mal leurs frères. Et هذا الإنسان qui se retrouve seul, là, chaque il espérera quelque chose qui l'aide et il trouvera rien si c'est pas un croyant. Al-Hadar. Al-Hadar, on doit apprendre cette aqida, pas qu'une prétention. Là, on doit vraiment l'apprendre, donner du temps. Une grande partie de notre temps. Wallahi, si on a eu des manquements dans le passé, fanatoub ila Allah, on se repent et on se reprend. Fal-A'mal bil-Khawatim. Qala rahimahullah, fa-dhakara anna tathbitahu lahum jaza'un lahum ala imanihim fi-dunya. C'est ça le fruit. Tous les efforts qu'ils ont fait fi dunya, en apprenant l'iman, la foi, en mettant en application cette foi, dans leur tombe directement, ils auront la récompense. La première récompense, c'est hada tathbit. Allah subhanahu wa ta'ala, il renforcera le mu'min. Il facilitera au mu'min, il guidera le mu'min. Ça, c'est la première récompense. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت، أي une réponse sûre, claire, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma dinuk al-islam. Hakada, ça sera la réponse du mu'min. Qala, فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا أو أعجميا. Et هنا, c'est un point important. Cette réponse, elle ne sera pas liée à l'intelligence. Ou un tel, il sait parler, il est éloquent, il sait écrire, il comprend l'arabe, il ne comprend pas l'arabe. Tout ça, il n'y a plus aucune de ces notions à ce moment. Là, la compréhension et la réponse, c'est par rapport à la foi. C'est pour ça qu'on a dit le Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, même si c'est une personne, min al-awam, bel min al-a'ajim, Al-A'ajim, ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Al-A'wam, ceux qui n'ont jamais étudié. Lakin, ils avaient cette foi. Ils ont accepté cette foi. Et ils l'ont appris comme ils pouvaient. Et ils ne rejetaient pas la vérité. Même s'ils n'avaient pas certaines capacités, Ha'oula, ils répondront. Tu peux trouver un autre, min ru'us al-dhalal, qui a combattu hadha al-mu'taqad. Et qui faisait apparaître l'islam. Et c'était un zindiq. Iyadan billah. Et il ne pourra pas répondre. Pourtant, Fiddonia, peut-être qu'il avait un certain niveau dans l'éloquence, dans la langue arabe, etc. Lakin, il ne pourra pas répondre s'il n'est pas mort à la hada al-iman. Qala, rahimahullah, wa amma al-kafir wa al-munafir. Mimman kana Fiddonia, ghayra mu'minin bima ja'a bihi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu yasta'jim alayhi al-jawab, wa law kana min a'lami al-nas wa afsahihim, kama qala ta'ala, wa yudhillu Allahu al-zalimin. تأمل قوله ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم. Même si c'était une des personnes les plus savantes, une des personnes les plus éloquentes, لكن il a combattu cette aqida. Il ne croyait pas. Il avait des doutes, عياذا بالله. Ou c'était un hypocrite, il faisait apparaître l'islam et au fond de lui, il ne croyait pas. فهذا الله سبحانه وتعالى l'égara. La récompense de الظالمون, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes et qui n'ont pas cru. Et ça nous montre que la plus grande injustice, c'est le kufr. C'est pour ça que ceux qui disent, Iyadam billah, Anna, pourquoi vous critiquez les kuffars alors qu'ils aident les autres, ils sont droits. Ça, c'est un kalam de celui qui ne connaît pas son dîn. Et il ne connaît pas les kuffars. Al-kafir, même si c'est la personne la plus droite, la plus gentille, la plus correcte avec les créatures, c'est un zalim. بل سمن أظلم الظالمين لماذا لأنه يكوابا même si il donne le haq à la créature comme certains kuffars ils respectent les autres ils sont gentils ils ne mentent pas ils ne sont pas injustes ils disent regarde pourquoi vous dites que c'est un kafir pourquoi vous ne l'aimez pas pourquoi parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés الظالمين c'est un ظالم pourquoi parce que le plus grand péché c'est de ne pas croire et ils ne croient pas. Un kafir, même s'il aide les pauvres, même s'il aide les orphelins, lakin la yu'min bi al-akhirah, par exemple. Ce point, il ne croit pas en tout ce qui vient après la mort. C'est un athée. Hada c'est min adlam al-zalimin. Et on doit le détester. Billahi azza wa jalla, yawm al-qiyamah. Bel, après sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'égara. Wa yudhillu Allahu al-zalimin. Ay, ani al-jawab. Il ne pourra pas répondre. Et s'il ne répond pas, il a tout perdu. Sa gentillesse, son respect, sa tolérance et la akhirah qu'il avait fait de tenir, ça ne lui servira à rien. Peut-être ça lui a été utile dans certaines choses fait de tenir, et ça s'arrêtera là. Donc on doit mettre les choses à leur place. Un mal mu'min, même s'il a eu des faiblesses, même s'il a eu des manquements, même s'il a fait certains péchés, tant qu'il est mort à l'iman, fabi'idnillahi azza wa jalla, il sera à la khair. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Et le deuxième groupe, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Enfin, tu as une différence énorme entre les croyants et les mécréants. On n'a pas le droit de mélanger les choses en suivant nos passions. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَنَّ نَعِيمَ الْبَرْزَخِ وَعَذَابِهِ نعم وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَنَّ نَعِيمَ الْبَرْزَخِ وَعَذَابَهُ لَا يَحُسُّ بِهِ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ بِمَشَاعِرِهِمْ لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. Et ça, c'est un point important. Pourquoi dans ce bas monde on n'entend pas ce châtiment. Si on déterre un mort, même Akfar al-Kuffar qui a été enterré, une personne, c'est clair, elle était mécréante, elle faisait du mal. Si on l'enterre et on revient le lendemain, on déterre, on trouvera aucune trace du châtiment et on n'entendra pas. Ben, si on le regarde, c'est comme s'il dormait. Il y a une hikma azima. Ça fait partie du monde de l'invisible pour les vivants. Et si on verrait le châtiment, tout ce qui est lié à la fond, l'invisible, il n'y aurait plus de sagesse. Il y en a, tout le monde verrait. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Personne ne verra et n'entendra tout ce qui est lié à l'autre demeure, aïe, la tombe, qu'après sa mort. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a cité certains points qu'on peut ajouter. Le premier point, قولوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الناس يفتنون قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وكلمة الناس عامة وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد حتى الأنبياء والصديقون والشهداء إلى آخره يفتنون. Donc, هنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى il a montré أن certaines catégories de personnes elles ne seront pas éprouvées. Elles ne seront pas interrogées. فَقَوْلُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَا فَإِنَّ النَّاسِ يُفْتَنُونَ Sauf bien sûr ceux que الدليل, la preuve, elle nous a montré qu'ils ne seront pas interrogés. Et شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَا رَحِمَ اللَّهِ il a montré dans plusieurs de ses ouvrages ces catégories. شَيْخُ ابن عثيمين il les a résumés رحمه الله عليه قال أولاً أما الأنبياء la première catégorie الأنبياء on a cité ces catégories avec les frères qui étaient avec nous dans les douloureux précédents, fi Sharh al-Lamiyya. Sharh al-Lamiyya, on avait cité ces catégories. La première, l'Anbiya, les prophètes, ils ne seront pas interrogés. قَالَ فَلَا تَشْمَلُهُمُ الْفِتْنَةُ وَلَا يُسْأَلُونَ وَذَلِكَ لِوَجْهِينَ Les prophètes, ils ne seront pas interrogés dans leur temps. Pourquoi? Deux points. الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة أخرجه النسائي الحديث شيخ الألباني لصحح dans أحكام الجنائز comme c'est cité dans الحاشية de الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح dans la note de bas de page. Donc الأنبياء ils sont mieux que les martyrs, il n'y a aucun doute. Et les martyrs, ils n'auront pas à subir cette épreuve. Et ces questions. Donc, si les martyrs ne seront pas interrogés, les prophètes, ils ne seront pas interrogés. قال الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك فهم مسؤول عنهم. Deuxième point, أن les prophètes, on sera interrogé sur eux. Donc, eux ne seront pas interrogés. مثلا, notre communauté, chacun de nous, ils seront interrogés. C'est qui son prophète? Elle me répondra « بإذن الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم » Donc ça montre que les prophètes ils ne seront pas interrogés. Il y a un hadith في هذا في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون » النبي صلى الله عليه وسلم il a bien démontré que vous serez interrogés. قال sur lui عليه الصلاة والسلام Donc, ça montre que les prophètes ils ne seront pas interrogés. Ben, les gens ils seront questionnés sur eux. Al-Hadith, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il l'a authentifié. Kama fi al-Sahih al-Musnad. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, As-Siddiqoun. Fala yus'aloun. Lianna martabata as-Siddiqin a'la min martabati shuhada. Il n'y a pas un délil clair, un nos, anna as-Siddiqin ne seront pas interrogés. لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هنا il s'est basé sur الشهداء vu que الشهداء c'est les martyrs ceux qui sont morts في سبيل الله ils ne seront pas interrogés ils ne subiront pas cette épreuve لماذا on répète le hadith et on la troisième catégorie elle va venir لكن on peut citer le hadith هنا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ils ont déjà subi une épreuve énorme في الدنيا aïe le bruit des sabres au-dessus de leur tête, aïe lors des combats. Hadhihi al-fitna, tellement qu'ils ont souffert, donc, fi al-akhira, dans leur tombe, ils sont préservés de cette épreuve. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, il s'est basé sur ça pour montrer que tous ceux qui ont un rang plus élevé que les martyrs, مثلا الأنبياء بيان سور والرسل لي ميساجي لي بروفيت عليهم الصلاة والسلام وهكذا الصديقون لي فيريديك هؤلاء في كو لي مارتير نو سورون با انتروجي فسو كي سون ميور كو نو سورون با انتروجي هذا قول كشيخ ابن عثيمين لا سيتي هنا ثم قال الشهداء لا ثوازيام كاتيجوري قال الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم نعم الحديث أن لاسيتي كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة الحديث كما تقدم شيخ الألباني لا صحح نعم دو أحكام الجنائز دو صحيح النسائي فالحديث الإمام النسائي لا رابورتي دو السنن لا ثوازيام كاتيجوري أو بلوتو كلام شيخ ابن عثيمين لا كاتخيام المرابطون Et cette catégorie taqaddamat ma'ana il y a quelques jours dans Sharh Riyad al-Salihin. Al-Murabitoun, ceux qui ont fait un ribat. Ya ayyuha alladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Rabitu ay al-Murabitoun. Ay c'est ceux qui font la garde fil jihad. Ceux qui font la garde pour protéger les musulmans. Donc s'ils meurent pendant sa garde, ils ont un ajr azim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنهم لا يفتنون ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام الشهر وقيامه وإن ما جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان كلام الشيخ ابن عثيمين هنا ينكسر دوتر مصادر بالضم الفتان نعم ربما دون سيغتان روايات الفتان على كل حال هنا المراد سي فتنة القبر دونك المرابط إلي بخيزيغوي إلى سيتي اون ديرنيير كاتيغوري الصغار والمجانين أي لي زونفون إي سو كي مور إي نون با يو لا ريزون المجانين سو كي افي ان بروبليم مونتال أي نافي با لا ريزون شيخ ابن عثيمين إلى سيتي ان خلاف بين أهل العلم Et il a montré que, vu que Ha'oula, ils n'ont pas la raison et ils n'ont pas fait de péché fidounia, ils ne seront pas interrogés. Fallahu a'lam. Mais ce dernier point, il n'y a pas de délil clair. Yundar kalam ahl al-ilm, il faudrait faire des recherches plus approfondies pour étudier les paroles des savants. Fi hadha al-bab. Ala kulli hal, qawl Cheikh l'Islam dans Al-Wasitiyya, fa inna an-nasa yuftanun. On a compris que certaines catégorie de personnes, elles ne seront pas interrogées dans leur tombe. كذلك قوله à la fin du matn qu'on vient de lire. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لسوعق. Ça c'est كلام شيخ ابن عثيمين. C'est fondé sur un hadith. نعم. كما في الحاشية كما في حديث البراء. لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى سيتي دان سون شرح قال إنما ورد قوله صلى الله عليه وسلم يسمعها كل شيء إلا الإنسان في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قال يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسوعق الحديث إلى صحيح البخاري كما قال في الحاشية عن أبي سعيد الخضري أما قوله كما في حديث البراء دون شرح الشيخ سعدي رحمه الله سي لي زيتاب أي لي زيتاب من ربك ما دينك إلى آخره دونك حديث في صحيح البخاري Anna, tout le monde entend sauf l'être humain, c'est pas par rapport au châtiment de la tombe, là, c'est par rapport à la genèse. À la genèse, quand le mort il dira où est-ce que vous m'emmenez, il a akhir al-hadith, il est ma'ouf. قال أما الصيحة في القبر, أما هذا الكافر ou le munafiq qui ne répondra pas aux questions, qui prendra ce coup de massue par ses anges et qui criera et tout le monde entendra ce cri. فقال شيخ ابن عثيمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أما ce bruit tout le monde l'entendra sauf الثقلين الثقلين سي لي زيتر هومان اي لي جين. دونك سيت بريسيزيون ال طيبه. قال اخرجه البخاري بهذا اللفظ والمراد بالثقلين الانس والجن. ثم اون فيني لو ما يتعلق بالقبر avant de passer à l'autre étape inshallah ta'ala dans le prochain cours. Donc on lit la dernière phrase du matn. قال الامام ابن تيميه رحمه الله ثم بعد هذه الفتنه اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامه الكبرى. ثم après cette étape, après ces questions, من ربك ما دينك من نبيك, cet homme ou cette femme ils resteront dans leur tombe jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera tout le monde et tout le monde sortira de sa tombe. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر وقد دل على ذلك كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل لنا أن نقول وإجمع المسلمين. ثم الشيخ ابن عثيمين il a cité des preuves du Coran, de la Sunna et l'unanimité. L'unanimité des musulmans à la dalik, et l'unanimité des croyants que le châtiment de la tombe et les délices de la tombe, c'est la vérité. Il a cité des versets, on peut en citer un. قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Cheikh Ibn Uthaymeen قال قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وهذا قبل قيام الساعة. Ça c'est avant la résurrection. Aïe, c'est dans la tombe. Et la preuve que c'est dans la tombe, قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة. Aïe, le jour du jugement, le jour de la résurrection, quand tout le monde sera ressuscité pour rendre des comptes, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Faites rentrer Pharaon et ses suiveurs dans un châtiment énorme, un châtiment immense. Donc ça nous montre que le deuxième châtiment, c'est l'enfer. Le premier châtiment, c'est la tombe. On répète le verset. An-nar yu'radun 'alayha ghudwan wa 'ashiya. Ils seront exposés au feu matin et soir. Hada, c'est avant la résurrection. Et si on se pose la question, Pharaon et ses suiveurs, ils sont où en ce moment? Avant la résurrection. Il y en a la résurrection, elle n'est pas encore arrivée. Donc en ce moment, ils sont où? Ils sont dans leur tombe. Enfin, matin et soir, ils sont exposés au feu. Hey, toujours. Depuis qu'ils sont morts, ça fait des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, ils sont exposés au feu. Le jour de la résurrection, quand ils seront ressuscités, faites rentrer Pharaon et ses suiveurs au plus grand châtiment. Hey, en enfer. Donc ça nous montre bien les deux étapes, la tombe et l'enfer. Hada, c'est un dalil clair du Coran. Amma fi sunna, on a beaucoup de hadith. On vient de lire une partie dans le matn de hadith al-Bara radiyallahu an. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayn fa qala innahuma la yu'adhdhaban wa ma yu'adhdhaban fi kabir. Amma ahaduhuma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibn Uthaymeen il a pas terminé le hadith, il a cité que le shahid. On peut le venir. Amma ahaduhuma fa kana la yastathir min al-bawl. Amma un de ces deux hommes, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, il est passé vers deux tombes et il a informé à ces deux personnes, elles se font châtier. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui faisait entendre des choses que les autres ils n'entendaient pas. Donc il a su que ces deux personnes elles se faisaient châtier. Une d'entre elles kanat la tastathir min al-bawl. Et après l'urine, après avoir uriné, elle ne se nettoyait pas. Ça nous montre, même cette chose, où beaucoup de gens ils sont négligents, ils se précipitent, ils ne connaissent pas Ahkam al-Islam, comment faire Ahkam al-Tahara, c'est une cause de châtiment dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'elle ne se purifiait pas après avoir uriné. La deuxième personne, elle faisait beaucoup de médisance. Elle parle à un tel, un tel il a dit sur toi, yadam billah. Enfin, cette personne, elle s'est fait châtier dans sa tombe. Donc, Hada, c'est un délit clair. Al-Hadith, il est fi al-Sahihayn, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. N'am. Amma al-Ijma', falhamdulillah, Ijma', Ahl-Sunnah, Ijma', Ahl-Ilm, Anna Adab al-Qabr, et Naim al-Qabr, c'est haq. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, ولو أن عذاب القبر غير الثابت ما صح أن يتعوذ بالله منه. لأن شيخ ابن عثيمين قال أن شاك مسلم à la fin de la salat avant de تسليم إذ يعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. كذلك c'est un دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a appris à dire avant le تسليم qu'Allah nous préserve de l'enfer et nous préserve du châtiment de la tombe. Donc si nous a appris هذا النبي صلى الله عليه وسلم c'est que le châtiment de la tombe ça existe. فلهذا شيخ ابن عثيمين s'est appuyé sur هذا vu que chaque مسلم il fait la salat donc chaque مسلم il croit au châtiment de la tombe. مع هذا tu trouves الزائرين المنحرفين ils ont rejeté هذا ولا يؤمنون به. شيخ الفوزان حفظه الله تعالى dans son شرح chapitre qu'on vient de lire قال وأنكر عذاب القبر المعتزلة وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. هؤلاء عقلانيون. Ils ont délaissé le Coran ou la Sunna et les textes et ils se basent sur la raison. Vu que quand ça arrive pour certaines raisons, أحيانا certaines tombes elles sont déterrées. Ima pour déplacer le corps, ima pour autre chose. Vu que le Mu'tazila, ils ont dit que quand un corps il est déterré, on voit aucune trace ni du châtiment, ni de la récompense. Sa tombe, c'est la même. Dans le hadith, la tombe du croyant, elle est élargie. La tombe du kafir, elle est rétrécie. Hatta ses côtes, elle se resserre. Il a akhri. Enfin, ils disent, on voit rien de tout cela. Là, c'est très très grave. Là, ils ont dit il n'y a pas d'adab al-qabr. Et il n'y a pas de na'im. قال الشيخ الفوزان حفظه الله والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة ومن ذلك عذاب القبر. Le fait de ne pas voir une chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et يادم بالله, هذا c'est très très grave. C'est مبدأ الكفار. Vous avez tous entendu un célèbre proverbe que les kuffars disent, je crois qu'en ce que je vois. Et c'est ça leur mabda, c'est ça leur principe de base. Un homme, c'est des maddiyoun. Aqlaniyoun, ils se fondent sur la raison et le mabda. C'est pour ça que tout ce qui est lié en l'invisible, les kuffars, ils croient pas. Ben, les kuffars, ils ont, kafarou billah azzawajal, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Kathir minhum, les athées de notre époque, ils ne croient plus au créateur azzawajal. Donc, le fait de dire que, vu qu'on n'a pas vu le châtiment de la tombe, ça existe pas, c'est très très grave. Est-ce que le Mu'tazila, ils ont vu Allah Azza wa Jal? Ils ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Le Mu'tazila, à notre époque ou avant, ils ont jamais vu Allah Azza wa Jal. Pourtant, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Se prétendent musulmans. Donc, هذا المبدأ, il est très très grave. Cheikh Ibn Uthaymeen wa ghayruhu min ahl al-ilm, il cite un exemple avec l'âme de l'être humain. L'âme. Ar-ruh. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Ar-Ruh? Est-ce que quelqu'un peut la décrire? Est-ce que quelqu'un l'a déjà touché, l'a déjà senti? Personne. Personne. Et pourtant, on est tous d'accord qu'on a une âme. Et on a des textes. L'être humain, il a Ar-Ruh. والله المستعان. فهؤلاء سيد الظلال. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم. C'est une preuve. On n'a jamais vu les anges, on n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a jamais vu le châtiment de la tombe. Pourquoi? C'est un test pour l'être humain. Est-ce qu'il va croire en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? C'est pour ça que le Cheikh Sa'di rahimahullah, on répète sa parole, قال ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم. Pourquoi il y en a, on a des textes, les textes ça doit suffire. C'est pour ça qu'on n'entend pas le châtiment de la tombe, on ne le voit pas. Il là, si on l'entendrait, on le verrait, beaucoup de gens ils auraient cru, pas au texte, pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient cru parce qu'ils ont vu et parce qu'ils ont entendu. Et ça c'est pas la foi. C'est pour ça que At-Tawba, elle n'est plus acceptée عند الغرغرة. Quand l'être humain il agonise et son âme elle va sortir et bascule dans l'autre monde, At-Tawba c'est plus, elle est plus acceptée. كذلك quand le soleil il se lèvera à l'ouest, At-Tawba elle est plus acceptée. Léana, c'est un signe évident. فنسأل الله عز وجل الثبات. Et demain inshallah ta'ala on continuera هذا الكلام المفيد. On reprendra à partir de قوله رحمه الله فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أي à partir de la résurrection. وَتَقُومُ الْقِيَامَ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ Cheikh Saadi n'a pas expliqué toutes ces étapes. On lira, nahnu al-matn, et on essaiera nastafid min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen ou kalam Cheikh Al-Fawzan ou min kalam ghayrihim min ahl al-ilm. Thumma, après ces étapes, Cheikh Saadi rahimahullah, il a cité un kalam à la fin, en résumé, et un kalam mufid, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat ala al-haq hatta nalqah. Et on passe à notre deuxième dors, bi idnillah subhanahu wa ta'ala.